Le journal d'internet sud-coréen Le Quotidien de l'Homme fait savoir que le délégué permanent de la solidarité du peuple du 15 juin et du 4 octobre a publié le 25 une lettre ouverte réclamant l'application des déclarations communes Nord-Sud.